Une initiative de la direction des expositions de la Villette, responsable Yolande Bacot et de France Culture. Sélection des textes par Claude Archambault avec la collaboration de Caroline Oisana. Partenaire de Victor et Alice, Abbas Kiarostami, correspondance, du 19 septembre au 7 janvier au Centre Pompidou. Une exposition événement rapprochant l'œuvre de deux cinéastes qui se sont distingués par leur liberté de création dans des contextes politiques difficiles. L'Espagne franquiste pour Alice, l'Iran pour Kiarostami. Leurs photos et installations sont réunies pour la première fois en France autour d'un échange inédit de lettres vidéo. À voir également l'intégrale des films des deux cinéastes. Victor Hérissé, Abbas Kiarostami, correspondance, du 19 septembre au 7 janvier au Centre Pompidou avec France Culture. Vous écoutez France Culture, il est 23h. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, René Girard et le désir mimétique. De René Girard, ancien professeur de littérature française et de littérature comparée à l'université de Stanford, aujourd'hui professeur émérite de cette université, on connaissait surtout les thèses sur le processus mimétique, sur la théorie du sacrifice, sur la fonction de ce que l'on appelait le bouc émissaire et sur les liens très profonds avait-il fait ressortir entre la violence et le sacré. Aujourd'hui, d'une certaine manière, ce n'est pas sur ce processus mimétique que nous voudrions réfléchir, mais beaucoup plus à partir de la parution de son dernier livre aux éditions Carnet Nord, réfléchir à partir de Clausewitz, c'est-à-dire ce théoricien militaire de la Prusse confronté à l'aventure napoléonienne, réfléchir donc sur Clausewitz, sur la guerre, et à partir de là, d'une réflexion beaucoup plus générale qui nous amènera aux contemporains de Clausewitz, c'est-à-dire Hölderlin, mais dans une compréhension qui est très différente de celle qui était, par exemple, qui s'est imposée, si l'on peut dire, classiquement en France, qui était celle de Heidegger, une réflexion qui nous emmène en même temps sur le sein même de ce que peut représenter le catholicisme, et particulièrement le catholicisme romain, c'est-à-dire une spiritualité qui, ne se donnant pas forcément en tant que telle, peut irriguer et, d'une certaine manière, peut bouleverser, je dirais même, en fin de compte, peut foudroyer l'ensemble d'une vie. En compagnie de René Girard, nous avons Benoît Chantre, directeur littéraire des éditions Carnet Nord, mais en même temps docteur d'État en lettres françaises et spécialiste de Charles Péguy. Girard, lorsqu'on essaie de penser notre monde moderne, on a l'impression que finalement il y a eu une sorte de bascule, je dirais, qui s'est produite avec la Révolution française et avec l'entreprise napoléonienne. comme si la guerre avait changé de nature, si l'on peut dire, et comme s'il était de, si on avait été obligé de penser autrement à la guerre. Oui, effectivement, mais il me semble que les historiens français traditionnels, tout au moins ceux que je connais, je suis très âgé, ne parvenaient pas à penser cette situation et que d'une certaine façon, c'est un Allemand plutôt qui l'a pensé, c'est Clausewitz, n'est-ce pas, bien qu'il ne l'ait pas pensé comme décalage, mais il l'ait pensé comme retour à la vraie guerre, d'une certaine manière à ce que devrait être une espèce de perfection presque platonicienne de la guerre, qu'il ne faut pas définir comme la guerre à outrance, mais enfin la guerre qui a vraiment, qui est beaucoup plus violente et beaucoup plus décisive que la guerre en dentelle, qui pour lui est justement l'abomination de la désolation. Par conséquent, c'est un homme qui annonce d'une façon paradoxale notre monde. Il avait peur qu'après la fin de Napoléon, l'Europe retourne à la guerre en dentelle. Malheureusement pour nous, il se faisait de grandes illusions. Et Napoléon, si vous voulez, l'outrance de la guerre, le caractère absolu, radical, décisif de la guerre, caractérise ce qu'on pourrait appeler l'ère de la guerre pan-européenne, n'est-ce pas ? Mais alors, quel est, si on peut poser la question ainsi, quel est le rapport de la guerre au sacré ? Je veux dire que dans l'Iliade, on voit très bien comme la guerre est quelque chose qui est en rapport avec les dieux, et les dieux eux-mêmes se mêlent à la guerre, et le héros grec n'a pas grand-chose à voir avec le militaire moderne. Au Moyen-Âge, il y a quand même une espèce d'héroïsme, mais d'héroïsme tout à fait individuel. Oui. Je prends un grand désastre comme Azincourt. Azincourt, c'est en fait 3000 personnes mortes. Oui. Nous, on en rêverait d'avoir une bataille avec uniquement 3000 personnes. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de sacré, je dirais que c'est laïcisé dans la guerre, une violence qui s'est laïcisée et qui peut-être était voilà. d'autant plus forte. Mais Clausewitz, une des choses les plus importantes dans son travail, c'est l'accent qu'il met sur la révolte populaire, n'est-ce pas ? L'importance qu'il attache à la guerre d'Espagne. La grande question pour lui, c'est est-ce qu'il sera possible de mobiliser la colère du peuple contre l'ennemi, au fond, n'est-ce pas ? La passion nationale, sans la rendre révolutionnaire. Donc, en ce sens, on pourrait dire c'est un précurseur du totalitarisme. Mais lorsque vous faites allusion à la guerre d'Espagne, contrairement aux images qu'on en a souvent eues, qui étaient une sorte d'insurrection nationale, si on peut dire, oui. On a l'impression que les Espagnols, c'était beaucoup plus sur des motifs religieux. Sur des motifs religieux, mais c'était quand même l'envahisseur qui était. Et par conséquent, oui, c'était un nationalisme qui s'appuyait certainement sur le religieux, beaucoup plus que sur la monarchie qui s'est révélée complètement inexistante dans la guerre d'Espagne, qui a succombé au magnétisme de Napoléon, n'est-ce pas ? Mais Clausewitz avait preuve d'une intuition considérable, parce que c'est vraiment la première fois qu'on parle de la colère nationale. Oui, mais d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas aussi, je dirais, la définition de la nation comme ce qu'on pourrait appeler une sorte d'idole. C'est-à-dire là aussi une injection de sacré. Bien sûr. Mais pour Clausewitz, ce n'est pas une idole, c'est un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu, il y croit et il reproche à la Prusse. C'est très intéressant parce que aujourd'hui, c'est un sujet qui reste présent. Le fait que l'Allemagne n'a jamais été capable de monter des guérillas contre la Révolution française, l'armée napoléonienne, ça a toujours été interprété, au fond, à travers des gens comme Goethe et Schiller. Et Clausewitz voit ça comme une faiblesse de la résistance allemande. Mais aujourd'hui, dans ces derniers temps, certains Américains, les Américains partisans de la guerre en Irak, ont dit, mais l'Amérique a libéré l'Europe et l'arrivée des armées américaines en Europe n'a pas suscité de guérilla. On pouvait, en envahissant l'Irak, supposer qu'il y aurait une réaction comparable au Moyen-Orient. Dire cela, évidemment, c'était suffisant pour mettre et les Allemands et les Irakiens très en colère, n'est-ce pas, d'être comparés et assimilés l'un à l'autre. Mais c'est une manière nouvelle de reposer le problème que vous venez de définir. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas eu, je dirais, de la part des intellectuels allemands, une position quand même très ambiguë, pour ne pas dire très favorable, à ce qu'ont représenté d'abord la Révolution française, ensuite l'entreprise napoléonienne. Parce que je veux dire, on se rappelle que Kant, allant sur la route qui sortait de Königsberg pour avoir plus vite des nouvelles de la Révolution, Hegel devant Napoléon, quand même, c'est l'esprit du monde qui passe, et Goethe, c'est « Enfin, j'ai vu un homme voilà. ». Alors, mais en même temps, si on lit... Écoutez, ma femme dans l'avion était en train de lire des extraits de la correspondance de Goethe, qui allait jusqu'en 1832. Et alors là, on voit tout à fait l'évolution de Goethe. N'est-ce pas, au début, l'arrivée des Français, c'est une merveille, c'est pas la guerre, c'est un rapport de bon voisinage. Et c'est la pensée française pénétrant en Allemagne. Il s'est jamais vraiment mis en colère, mais on sent qu'à la fin, quand même, les exactions des armées du directoire, etc., les réquisitions, etc., avaient déçu. Mais c'est pas quand même cette grande déception de Hölderlin, cette espèce de catastrophe qu'est pour Hölderlin la découverte que la Révolution française est une opération politique, etc., et pas du tout métaphysique. C'est assez étonnant si on se replace à l'époque, René Girard, c'est que, bon, Hölderlin, on en parlera à part parce que je pense que c'est un cas, on en parlera plus tard parce que je pense que c'est un cas un peu à part. Oui, de manière. Bien sûr. Mais on a la réaction qui est quand même les discours, par exemple, à la nation allemande de Fichte. Oui. Et on a l'impression que d'une certaine manière, il y a tous les germes du totalitarisme voilà. qui sont dans ce texte. Mais là, c'est ce que j'appelle la réaction mimétique. On peut comparer les discours de Fichte aux discours révolutionnaires avec un petit changement de vocabulaire, mais c'est quand même le même esprit, c'est le même nationalisme au fond, qui s'éveille en Allemagne. Mais est-ce que d'une certaine manière, on ne pourrait pas penser, je pense à certains textes de Joseph de Maistre, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que aussi, nous avons là les résultats, je dirais, de la perte de la notion de transcendance. Mais c'est précisément ce que Hölderlin a vu, je pense. Que le retour au grec était soit païen, soit syncrétique en un sens antichrétien, n'est-ce pas ? Et finalement, annoncer un monde auquel il se sentait totalement étranger, qu'il était. Cette déception extraordinaire qui... la saisie en comprenant ce que vous dites, la réaction de ses amis à lui, de ses amis les plus proches. Donc pour lui, c'était une déception fondamentale et un malheur dont il n'est jamais sorti. Il a renoncé au monde, littéralement. Alors appeler ça folie, c'est peut-être trahir la chose, dire que c'est la réaction la plus profonde et la plus admirable, la seule réaction qui n'est pas critiquable devant l'expérience de l'Allemagne entière face à la Révolution française. Benoît Chantre, lorsqu'on lit les thèses de René Girard, lorsqu'on voit la manière dont il analyse et notre histoire récente, et en même temps, je dirais, le soubassement idéologique, je vais prendre idéologique au sens allemand, évidemment, de notre pensée, on a quand même très vite l'impression que, je dirais, ce n'est pas une pensée qui peut se déployer hors d'un cadre que je vais appeler un cadre catholique. Il faudrait s'entendre sur le terme lui-même. Qu'est-ce que veut dire catholique ? Il a été question tout à l'heure de Hölderlin, et je crois qu'il y a une fête dans cette discussion que j'ai menée avec René Girard, à un moment donné, chez lui, une intuition très très forte de ce que peut être l'identité catholique. Puisque Hölderlin, au moment de sombrer dans ce silence d'année 1806, où Hegel voit passer l'esprit du monde à cheval sous ses fenêtres, où Clausewitz décrit en Napoléon le dieu de la guerre qui fait son apparition, Hölderlin décide de se retirer dans un silence total, et il dit, c'est une anecdote qui nous est rapportée par Pierre-Jean Jouve, dans un livre de Pierre-Jean Jouve, « Je crois que je vais me faire catholique », dit Hölderlin. Chose étrange et impossible pour le protestant qu'il est, et pourtant intuition très forte de ce que peut être la stabilité catholique dans un monde déstabilisé par la révélation même. Alors, effectivement, je pense que là, c'est là où le René Girard en dit peut-être le plus sur son identité chrétienne et catholique, d'intellectuel catholique, de grand intellectuel catholique, c'est de penser la catholicité comme un pôle de stabilité dans un monde qui s'est mis à osciller du fait même de la révélation. Comme si cette affirmation, cette position-là, était la seule tenable dans ce monde totalement affolé par la démystification chrétienne de la violence. Le peuple en ce jour sans cesse répète, ah, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins tout réussira, nos ennemis confus en restent là, et nous allons chanter Alléluia. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Dans cette fascination, si l'on peut dire, de l'Allemagne pour le monde grec, qui a quand même eu une très longue histoire dans la pensée allemande, on se demande pourquoi être tellement fasciné par les Grecs et qu'est-ce que cela veut dire. Parce que lorsque vous parlez de la réaction de Hölderlin, devant ce retour à un paganisme, si on peut dire, un pré-christianisme, je peux pas m'empêcher de penser à l'œuvre de Schelling. Ça commence par les divinités de Samothrace, voilà. Et ça termine quand même par la philosophie de la révélation. Mais c'est l'effort, à mon avis, de créer une contre-Bible, si vous voulez, le sentiment qui n'a pas eu lieu dans la Révolution française, parce que l'Allemagne est restée beaucoup plus religieuse que la France, et croyait, d'ailleurs cet effort est présent chez Hölderlin, de faire une espèce de syncrétisme qui serait vraiment religieux, de voir dans le Christ un frère des dieux païens, un frère de Dionysos, mais c'est aussi faux que possible, il l'a senti. Aussi faux que possible, parce que Dionysos, qu'on le veuille ou non, c'est le dieu de la violence absolue. C'est le dieu du sparagmos, du déchirement de la victime. Il n'y a pas de dieu grec qui soit plus horrible que Dionysos. Et je pense que Hölderlin est le seul qui ait vraiment senti cela. Et dans ses plus grands poèmes, il y a une expression d'un choix, au fond, qui est à la fois extrêmement pénible pour lui, parce qu'il était en réaction violente contre le côté superficiel, extrêmement conventionnel du protestantisme de sa mère, n'est-ce pas ? Et se sentait profondément chrétien. Il a renoncé, je pense, à exprimer tout ça de façon cohérente, de façon compréhensible et universitaire, si vous voulez, n'est-ce pas ? Et donc, il a, d'une certaine manière, démissionné. Il s'est retiré. Il a refusé de voir le monde. Il a choisi l'exil total à l'intérieur de son propre pays. Mais est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas aussi une constante d'une certaine veine philosophique ? D'une certaine veine. Parce que, évidemment, derrière Hölderlin, je pense à Nietzsche, qui, on a la même tension, finalement, entre entre le Christ d'une part et Dionysos. Dans un climat très différent. Parce que chez Nietzsche, c'est la satire et la violence qui dominent, alors que chez Hölderlin, si vous voulez, il n'a pas du tout le même tempérament. Donc c'est une espèce de renoncement au monde qu'on pourrait définir comme une forme de sainteté, d'abnégation, qui est un peu indéchiffrable, mais enfin je pense qu'il n'est pas de la folie. Oui, non, mais ce que je voulais dire en pensant à Nietzsche, c'est de dire, nous avons, même dans des circonstances, dans un environnement complètement différent, nous avons la même tension entre le Dionysos et le Christ. D'ailleurs, je suis toujours frappé de voir comment on ne relève pas que quand même l'un des textes les plus terribles de Nietzsche, quand même, il l'intitule Ecce Homo. Oui. Or, Ecce Homo, c'est quand même une reprise de l'Évangile. C'est-à-dire que, oui, à la fin, l'espèce de confusion qui se produit chez Nietzsche entre le Christ et Dionysos, à mon avis, c'est l'essence de la folie de Nietzsche qui est là. N'est-ce pas? Et ce n'est pas rationnellement. Je vous interromps. Oui. Pourquoi est-ce que ce n'est pas de la folie quand c'est Hölderlin? Pourquoi c'est de la folie quand c'est Nietzsche? Ah ben parce qu'à mon avis, Hölderlin choisit vraiment la non-violence et le Christ. Alors que s'il y a un choix chez Nietzsche, il est du côté de Dionysos. Et Nietzsche, littéralement, s'abîme, à mon avis, dans sa propre violence, qui est la folie. Vous savez que quoi, le christianisme et la religion de la sortie de la religion, d'une certaine manière. Bon, et on voit très bien comment le christianisme, je dirais, a mis en cause absolument toutes les religions autres que les siennes. Oui. Mm-hmm. Enfin, évidemment, exception faite de son parent, c'est-à-dire le judaïsme, et éventuellement de l'islam. Et à travers cette oscillation, à travers ce bouleversement, d'une certaine manière, comment le christianisme maintient quand même un fil conducteur. C'est-à-dire comment est-ce qu'à la fois on peut vivre dans la révolution et à la fois on peut vivre dans la conservation, si je peux dire. C'est que la thèse de Gaucher est une thèse sociologique. Je pense qu'il faut penser le mouvement du christianisme est un mouvement effectivement qui a le génie de porter en lui-même sa propre critique. Et en cela, le protestantisme a été un acteur admirable dans cette autocritique du christianisme sur lui-même et sur toutes les autres religions. Mais je pense qu'au sein de cet espace d'autocritique ou de retour critique sur soi, la position catholique est de maintenir une affirmation. Oui, mais ce qui est assez étonnant, c'est que dans la tradition catholique, Benoît Chantre, par rapport à la tradition protestante, dans laquelle tout lecteur lit la Bible et d'une certaine manière, on l'espère tout au moins, est inspiré par l'Esprit Saint. On voit très bien qu'il y a ce que nous disent les textes canoniques, puis il y a ce qu'ont dit les pères de l'Église, puis il y a ce que dit l'Église, et que là-dessus, il y a une sorte de stratification, si l'on peut dire, et en même temps, de legs qui se fait à travers les âges, ce qui expliquerait, finalement, le magistère de l'Église. Et on voit que là-dessus, il y a, je dirais, une logique extrêmement forte. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait qu'il y a une stabilité du catholicisme dans l'instabilité même qui est celle de la révélation? Oui, oui, je suis tout à fait, je partage votre analyse. Ce qui est très compliqué et très simple en même temps, c'est le rapport entre la papauté et l'Empire. Le rapport entre la papauté et l'Empire est un rapport de conflit dans la mesure où l'Empire, comme tout État militaire et conquérant, etc., veut réduire la papauté en esclavage, en faire un instrument de propagande. Donc il y a une opposition fondamentale entre les deux, n'est-ce pas? Mais derrière cette opposition, il y a une union. Alors que l'Empire, être pour l'Empire, comme l'est la papauté, s'est échappé à cette espèce de dualité mimétique terrible qui est celle de Charles le Chauve d'un côté et de Louis Germanique de l'autre, les Serments de Strasbourg, qui est le premier document de la scissiparité, de la division occidentale entre Français et Allemands. Échapper à cette division, ça aurait été accepter l'Empire. Accepter l'Empire sur le plan matériel et une papauté indépendante de l'autre. N'est-ce pas ? Alors la papauté avait affaire à deux... Elle s'opposait à la fois au conflit qui divisait l'Europe en étant du côté de l'Empire, mais elle cherchait à échapper aux efforts de mainmise de l'Empire qui essayait de triompher des doubles en annexant la papauté. Vous ne pouvez pas le faire. Donc elle avait une position à la fois très simple mais compliquée dans le sens pratique parce qu'elle était opposée à toutes les puissances. N'est-ce pas ? Le fait que l'Europe a succombé au mimétisme est lié au fait que l'Empire n'a pas été accepté finalement. Et que la division entre les trois fils de Charlemagne s'est produite au détriment. Victoire de la France d'abord, victoire de l'Allemagne ensuite, mais échec à trouver un minimum d'harmonie dans un empire qui aurait été la continuation de l'Empire romain. Qui est nôtre sur l'identité catholique. Être catholique, c'est tout simplement reconnaître d'avoir un pape, c'est-à-dire reconnaître un magistère, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Mais si on se met à un niveau anthropologique, ce qui, à mon avis, est peut-être plus intéressant que les vieilles querelles franco-françaises, du gallicanisme ou de la position ultramontaine, être catholique, quand on entend ce que dit Hölderlin quand il se dit « je crois que je vais me faire catholique », c'est comprendre que l'idée catholique, l'identité catholique est une stabilité dans un monde ébranlé par la révélation elle-même. Et elle est ce qui reste de ce qu'aurait pu être effectivement l'Empire s'il n'avait pas été déchiré dès l'origine. Donc l'Empire, la catholicité se prend évidemment dans la romanité, se prend dans l'Empire romain, mais parce qu'elle est d'abord souci de stabilité dans un monde profondément déstabilisé par la révélation. Cet empire n'ayant pas pu advenir, Charles le Chauve et Louis le Germanique, dès l'origine même, en ayant fait un lieu de conflits incessants et de plus en plus terribles, il apparaît chez certains individus d'exception, et en particulier au moment où cet empire finit d'imploser avec les guerres napoléoniennes, l'idée d'une catholicité essentielle, mais à ressaisir anthropologiquement comme une stabilité qui nous permet de sortir de ces infernales bipolarités ou oscillations que vous évoquiez tous deux tout à l'heure. Mais alors, de ce point de vue-là, Benoît Chantre, est-ce que le rêve que nous pourrions avoir, ce ne serait pas de redécouvrir quelqu'un comme Dante, Dante qui est du côté de l'Empire, mais qui en même temps, du côté de la papauté, puisque il fait partie il est du parti blanc en faveur de l'Empire, à l'intérieur de ceux qui sont favorables à la papauté, c'est-à-dire retrouver quelque chose comme le démonarchia, qui était comme une articulation véritablement entre le spirituel et le temporel, et qui est peut-être ce qu'a raté, je vais faire la différence, le catholicisme par rapport à la catholicité. Oui, oui, c'est une très très très belle remarque. Il n'est pas gibelin, Dante, il est bien guelfe, donc il n'est pas antipapiste. S'il joue l'Empire contre le pape, en l'occurrence Boniface VIII, c'est parce qu'il en veut au pape de ses prétentions de pouvoir temporel. Il joue donc l'Empire, qui est encore une fois pour lui la réalité d'une stabilité politique, contre le danger théocratique qu'il perçoit parfaitement en son temps. Donc il n'a rien contre les papes, au contraire, je pense qu'il se serait réjoui de cette autonomie que la papauté a prise par rapport au temporel. Où là s'est ressaisi manifestement et une catholicité essentielle, je suis tout à fait d'accord avec vous, et aussi, c'est le caractère très intéressant des derniers papes, une idée européenne. Tout se passe comme si, comme l'avait entrevu Hölderlin dans ce poème Le Vatican, l'idée européenne n'était plus à Berlin, n'était plus à Paris, n'était plus à Vienne, mais toute repliée dans cette petite colline romaine, puisqu'on assiste à une papauté désancrée du temporel qui ressaisit les valeurs absolument fondamentales de l'Europe. Dieu qu'est-il, inconnu, et pourtant, riche en propriété, se montre la face du ciel qui est à lui. Les foudres, en vérité, sont la colère d'un Dieu. Plus un être est invisible, plus il s'adapte à l'étranger. Mais le tonnerre est la gloire de Dieu. L'amour de l'immortalité est aussi la propriété, comme la nôtre, d'un Dieu. Hölderlin. Hölderlin a tout à fait conscience que le christianisme est en train de se retirer du monde. N'est-ce pas? Mais je pense qu'il se retire du monde avec le christianisme. Sans explication, sans effort pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, il est au-delà de ça. Il ne peut pas. C'est indicible. Et puis surtout, il ne veut pas discuter avec ses amis. Tout à coup, il s'en sépare d'eux, je crois. C'est très solitaire, n'est-ce pas? Mais il exprime dans certains de ses poèmes, malgré tout, une préférence, un mouvement instinctif vers le Christ, qui est pour moi extrêmement important. Au même moment où il refusait de devenir pasteur, sa mère essayait de faire de lui un pasteur. C'est tout à fait extraordinaire. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas chez Hölderlin le fait qu'il refuse, je dirais, le christianisme comme institution historique? Oui. En fin de compte, pour aller beaucoup plus vers une essence du message christique. Voilà. Et cette institution historique, c'est le piétisme allemand, protestant, etc. Et pour sa mère, l'idée qu'il allait devenir pasteur, c'était aussi lui trouver une carrière, n'est-ce pas? Ça avait quelque chose de très matérialiste aussi, n'est-ce pas? Alors il a refusé ça au moment où il était pris dans ce... où il s'est trouvé opposé à sa famille, à ses amis, complètement seul au monde. C'est seulement dans ses poèmes où on a quelques vers qui ont été complètement négligés par Heidegger, même rejetés, qui expriment cette préférence de façon tellement décisive, tellement affirmative, que les escamoter, comme a fait Hölderlin, me paraît scandaleux. Comme l'a fait Heidegger. Comme l'a fait Heidegger, bien sûr. Oui. Et justement, c'est pourquoi je sais qu'elle est très critiquée, mais moi j'ai beaucoup apprécié l'édition française de Hölderlin par tranche de période, parce qu'on voit très bien, ça permet de mieux voir son évolution spirituelle, n'est-ce pas? Puis surtout sa période mondaine. Sa période mondaine m'intéresse beaucoup parce que elle est liée à des troubles psychiques qu'on appelle aujourd'hui bipolaire ou manique dépressif, qui sont définis chez Hölderlin comme ils n'ont jamais été définis par personne. C'est quelque chose d'absolument saisissant, n'est-ce pas? Et au fond, c'est pour échapper à ça aussi, parce que ça, d'une certaine manière, est le paganisme l'ambition mondaine, ça ne fait qu'un chez Hölderlin, à mon avis. Et échapper à cette ambition, c'est retourner vers le Christ. Dieux jadis ont fréquenté les humains, les muses splendides, Apollon le jeune, inspirant, guérissant comme toi, et tu les vaux pour moi, comme si l'un des bienheureux m'eût envoyé dans la vie. Je vais et va à l'image de mon héroïne avec moi, où je souffre et crée dans l'amour, jusqu'à la mort, car c'est la leçon que je tiens d'elle. Hölderlin. Si on suit Hölderlin tel que vous le lisez, René Girard, et je pense d'ailleurs en même temps à d'autres textes comme ceux d'un de mes auteurs favoris, je le reconnais, qui est Schelling, on a l'impression que quand même le Christ, le christianisme, c'est-à-dire la notion de révélation, introduit une rupture dans l'histoire. Une rupture, oui. Une rupture et cette rupture est le seul espoir d'équilibre et de vie spirituelle positive, d'échapper à cet enfer qu'est la rivalité. Je dirais Hölderlin, pour prendre une comparaison française avec un tempérament radicalement différent, est un peu dans la position du petit garçon face aux grands aînés, celle de Diderot face à Voltaire et à, vous voyez, mais Diderot, il s'en tire par des plaisanteries. Hölderlin, c'est pas son tempérament. Donc Hölderlin dit d'ailleurs très explicitement, sa Suzette Contard, je crois, qu'il y a en lui une ambition inassouvie qui est responsable de ça. Et là, il dit quelque chose, à mon avis, de souverain, même sur le plan médical. Qu'il y a une espèce de déséquilibre, de bipolarité de ce type qui atteint les tempéraments. Nietzsche était comme ça. Parce que lorsque Nietzsche a découvert les notes dans un souterrain, qui sont l'expression la plus la plus admirable de cette bipolarité, et bien il a été ému profondément, mais il n'a jamais été capable de dire pourquoi il avait cette passion pour les notes dans un souterrain. Mais si Hölderlin avait eu l'occasion, avait vécu plus tard, de découvrir Dostoïevski, je pense que ça aurait été pour lui une illumination extraordinaire. Et que ça aurait pu changer sa vie, ça aurait pu, non pas le réconcilier avec le monde, mais rendre ses dernières années plus vivables. Je crois qu'il y a un dialogue secret entre ces grands esprits malades du XIXe siècle, qui, dans un monde désormais privé de religion, ont des ambitions vraiment totalitaires, au meilleur sens du terme, au sens le plus noble du terme. Entre Nietzsche, Hölderlin, de quoi est-il question? C'est de la maîtrise de la culture allemande, qui est considérée comme vous voyez ce que je veux dire? C'est être le dieu de la culture allemande. C'est ce que Nietzsche a voulu, c'est ce que Hölderlin a voulu. Et d'une certaine manière, ce qu'il y a de meilleur dans la postérité, on fait de Nietzsche et de Hölderlin les dieux de la culture allemande. Nietzsche d'abord et aujourd'hui dans un monde plus désaxé qui comprend mieux Hölderlin, la façon dont il a été utilisé, je pense, par Heidegger est à la fois très fausse et très vraie. N'est-ce pas très fausse dans la mesure où il cache le côté que nous dirions psychiatrique de l'affaire. Et ce qu'il y a d'admirable chez Hölderlin, c'est qu'il ne cache pas. C'est pourquoi, à mon avis, pour moi, Hyperion fait vraiment totalement parler de Hölderlin sans parler d'Hyperion, qui est la description des souffrances psychologiques de Hölderlin, c'est rater quelque chose d'essentiel. dans ces exemples que vous prenez, Gérard, René Girard, de ces troubles bipolaires, si on peut dire, oui. ce qu'on appelle enfin, généralement la formule est très mauvaise, etc. Ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive. Hein. La psychose maniaco-dépressive. Disons le mot. Voilà. Bon, mais on a l'impression là qu'il y a un balancement, je dirais, entre quelque chose qui est de l'ordre, qui est d'un ordre naturel, finalement, le paganisme, qui est de, par ailleurs d'un ordre surnaturel, c'est-à-dire le christianisme, et que d'une certaine manière, c'est relié, je dirais, à un mysticisme qui n'arrive plus à trouver sa terre. Très exactement. Parce que c'est un mysticisme qui tantôt valorise à l'extrême, d'une manière divinise le moi, et tantôt divinise l'autre. Alors le moindre incident qui porte sur l'opinion que j'ai de moi-même, si vous voulez, le moindre succès de l'autre, fait de l'autre un dieu. Mais c'est très instable et je peux redevenir le dieu que Schiller normalement est. C'est pourquoi je gravite dans l'orbite de Schiller. Si vous regardez les lettres de Hölderlin à Schiller, c'est ça. Et dans la solitude de Tübingen, de sa tour, il échappe à ça. Donc là, il y a, je crois, quelque chose, une... que les psychiatres n'aient pas vraiment découvert ça, montre, à mon avis, est le procès le plus terrible qu'on puisse leur faire. René Girard, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire appel à la fameuse déclaration de saint Paul dans l'épître, vous savez, ce qui est folie aux yeux, aux yeux des hommes et sagesse aux yeux de Dieu, ce qui est folie aux yeux de Dieu et sagesse aux yeux des hommes, et que précisément la folie doit être entendue autrement. Entendue autrement, bien sûr. Bien sûr, c'est pourquoi recourir aux étiquettes psychiatriques est très dangereux, parce que c'est tout de suite incompris, etc. Mais je les mets entre guillemets. Et elles sont quand même nécessaires parce que c'est le seul pont avec l'intelligence de l'être très intelligent mais qui n'a pas de rapport avec ces expériences-là. Mais je pense que tous les intellectuels connaissent un peu cette forme de maniaco-dépressif. Mais c'est un peu la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut penser en dehors d'une expérience intime, je dirais, de l'exaltation d'une part et de la mélancolie de l'autre. Impossible. Impossible. Mais exaltation et mélancolie ne définissent pas, mais sur une voie de garage, le côté moi-autre, c'est-à-dire ce que j'appelle le côté mimétique. Oui, alors je pense qu'à partir de gens comme Hölderlin, on peut vraiment dépasser une problématique de Freud qui n'était pas où Freud ne voyait pas ces choses-là, ne voyait pas la passion du génie littéraire, n'a pas vu. Il a trivialisé les grands écrivains. Ou lorsqu'il part sur un grand poète, dans quel texte, il retombe toujours sur des écrivains médiocres. Il n'arrive pas à parler de Dostoïevski. Il méprise Dostoïevski parce qu'il voit en Dostoïevski une pure victime de phénomène psychiatrique qu'il ne comprend absolument pas. Alors que Dostoïevski est le maître sur le plan romanesque, précisément, de ces oscillations vertigineuses entre le moi et l'autre, n'est-ce pas? Et ça, Freud ne l'a pas vu, parce qu'il n'a pas vécu. Hölderlin aurait compris. Hölderlin aurait fait un interprète formidable. Et vice-versa. Oui, mais dans cette position de Freud, est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent, par exemple, je prends du rapport de Freud à la musique. Quand il parle d'opéra, il parle toujours du livret, il ne parle jamais de la musique. Jamais de la musique, oui. Et comme si, précisément, la musique étant liée à la mystique, d'une certaine façon, cela, il ne voulait pas l'entendre. Il ne voulait pas l'entendre. Oui, oui, non, mais je suis... Oui, oui, très certainement. Je suis d'accord, oui, oui. Mais alors, ce qui veut dire, si je vous suis bien en même temps, René Girard, que d'une certaine façon, le christianisme est, je vais reprendre là une formulation de Lacan, mais qui me semble adéquate, le christianisme est la religion vraie. Et la religion vraie. Ah oui, oui, mais je crois ça, moi. Tout est fondé là-dessus. C'est essentiel. Le christianisme bien compris, c'est-à-dire que d'une certaine manière, comme le destructeur des autres religions, n'est-ce pas, comprend cela, oui. Oui, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une certaine vision du christianisme qui est quand même, je dirais, je suis désolé, là, je deviens un peu critique, qui est, mais qui est d'une certaine manière un peu conquérante. On détruit les autres. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une violence sous-jacente? Ah non, mais on est détruit aussi, parce que, justement, être vraiment chrétien, c'est dépasser cette oscillation vers l'acceptation de sa finitude. Parce que c'est à Suzette Gontard que Hölderlin, très vraisemblablement, a fait des confidences sur « j'ai été malade parce que j'étais trop ambitieux ». Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est une manière très simplificatrice, mais très vraie, au fond. Dire la vraie, et c'est une déclaration très chrétienne, au fond. C'est-à-dire que le désir d'être Schiller, d'être Goethe, moi qui arrive derrière eux et qui vois le grand classicisme allemand, n'est-ce pas? Et quand même, il y a une intuition formidable de la culture allemande. Ce pourquoi on se bat, c'est la maîtrise de la culture allemande, je crois. Et c'est vrai de Hölderlin et c'est vrai de Nietzsche. Et Nietzsche succombe parce qu'il se demande si c'est pas Wagner. Il est même persuadé que c'est Wagner. Alors je crois qu'Ecce Homo, justement, c'est l'impuissance de la retraite. Ecce Homo, c'est « et ». Il y a moi et le vrai génie, c'est moi. Mais en même temps, c'est un appel désespéré. Et le signe d'un échec total, c'est un livre fou. Alors que les intellectuels français d'avant-garde se soient fondés là-dessus, si vous voulez, pour bâtir l'infaillibilité de Nietzsche, ça a quelque chose, à mon avis, de risible et de dérisoire. Afin de prolonger et éventuellement de donner comme un écho ou un arrière-décor à ce que nous disait René Girard, je voudrais conseiller la lecture des prières théologiques de Romano Guardini aux éditions Ad Solem. Romano Guardini, on sait peut-être que c'est quelqu'un qui est né à la fin du 19e siècle, qui est mort en 1968, donc qui a connu largement la majeure partie du 20e siècle, et qui est sans aucun doute le théologien catholique, ou tout au moins parmi les théologiens catholiques qui ont le plus marqué la pensée chrétienne du XXe siècle. Contrairement à son nom d'ailleurs, il est d'origine allemande, il écrivait en allemande, et d'une certaine manière, il a toujours insisté dans son œuvre sur le lien entre la prière et la culture, c'est-à-dire dans un angle de vue, dans une perspective à laquelle nous ne sommes pas spécialement habitués. Ce qu'il nous propose, c'est la création, comme Ordo Amoris, c'est-à-dire l'ordre de l'amour. L'ordre, ce n'est pas l'ordre qu'on donne, c'est l'ordre tel qu'il se donne dans les choses, c'est-à-dire l'harmonie d'une certaine façon. Et on peut penser qu'il renvoie, sans le faire exprès peut-être, mais c'est l'association d'idées qui s'impose, qui renvoie à cette phrase de Claudel, « Dieu nous répond dans notre propre prière ». C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lien extraordinairement profond entre la connaissance et la prière, et à travers ces exercices de prière que nous présente Romano Guardini, que l'on soit chrétien ou pas d'ailleurs, que l'on soit convaincu ou pas, on trouve une énorme matière à réflexion. Le Dieu unique en trois personnes. Lorsque j'éprouve le besoin de communion, il me faut aller vers un autre être humain. Et si profond que soit l'amour entre nous, nous restons pourtant toujours séparés. Mais pour vous, le toi et le moi sont en vous-même. C'est dans votre propre profondeur que vous menez votre éternel colloque. Et pour rester dans cet horizon chrétien, je voudrais signaler aussi aux éditions Le Relier l'apparition de l'ouvrage de Jean-Yves Leloup, Les profondeurs oubliées du christianisme. De quoi s'agit-il? En réalité, d'un entretien avec Karine Andrea de Guise, des entretiens qui ont été réalisés au Brésil, où on sait que Jean-Yves Leloup passe aujourd'hui beaucoup de temps et où il enseigne à l'université. Et en fait, dans cet ouvrage, dans cet entretien, il s'intéresse surtout aux textes apocryphes, ce que l'on appelle les évangiles apocryphes, ainsi qu'à certains textes qui ont été découverts, on le sait, dans la tradition gnostique, dans les environs de Nag Hammadi, dans la Haute Égypte. Et c'est pour lui l'occasion de réfléchir sur le féminin dans son essence, tel qu'on le trouve dans la figure de Marie-Madeleine, tel qu'on le trouve bien entendu dans les évangiles de Marie, où nous trouvons des allusions dans l'évangile de Philippe, ou ce qu'on appelle l'évangile de Philippe, une réflexion en même temps, au-delà du féminin, sur le mâle, puisqu'on sait très bien la liaison que le christianisme a souvent établie entre les deux à travers la figure d'Ève, et en même temps sur la gnose, et c'est pour Jean-Yves Leloup une réhabilitation de la gnose, si on comprend véritablement ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire où il se place dans la tradition de Clément d'Alexandrie. L'alliance suppose la rencontre de deux êtres libres qui, sans les nier, au-delà de leur sexualité et de leur tendresse, se voient et se contemplent dans leur dimension essentielle, dans leur rattachement ontologique à la présence de l'être. Puisque je parlais des apocryphes avec Jean-Yves Leloup, je voudrais aussi attirer l'attention sur l'ouvrage collectif publié aux éditions Labor et Fides, dirigé par Jean-Daniel Kessely et Daniel Margora, Le mystère apocryphe, introduction à une littérature inconnue. Et là, nous avons des études précisément sur l'évangile de Thomas, sur l'évangile de Nicodème, sur l'évangile secret de Marc ou les actes de Paul et ceux de Philippe, c'est-à-dire de ces textes qui n'ont pas été retenus comme canonique au moment où l'Église, après la crise marcionite, a éprouvé le besoin d'établir un ensemble de textes qui seraient reçus comme fondamentaux et qui permettaient en même temps de mettre de l'ordre dans l'Église où on sait qu'il y avait à l'époque une floraison de textes. Pratiquement chaque Église avait son texte sacré. Et à travers cette réflexion extrêmement profonde, on voit très bien en même temps quels sont précisément les courants qui agitent l'Église primitive, ce que l'on appelle le paléochristianisme. Je pense par exemple à une étude extrêmement fouillée qui montre comment les actes de Philippe correspondent en fait à une compétition religieuse extraordinaire dans cette partie de l'Asie mineure que l'on appelle la Phrygie dans la Turquie actuelle. Les écrits apocryphes témoignent d'un temps où déjà être chrétien ne va pas de soi. Il est frappant de voir que la créativité foisonne autour d'une conviction. La vérité chrétienne ne s'étale pas comme une évidence, elle est à chercher, comme un chemin, comme un mystère. Enfin, dans un horizon totalement différent, je voudrais réserver un sort au livre Les Chasseurs de Dunes de Brian Herbert et de Kevin Anderson aux éditions Robert Laffont. Le cycle de Dunes de Frank Herbert, bourré de théologie, il suffit de penser à l'ouvrage de Guy Lardreau qui avait essayé de faire la philosophie précisément de ce cycle, toute une étude de Christian Jambé avait montré comme il y avait une instillation de l'islam soufi, de la mystique soufie et en même temps de la mystique chiite. Le cycle de Dunes, donc, est un cycle qui, bien entendu, s'inscrit dans la thématique de la science-fiction, mais qui, en même temps, d'une certaine manière, était un véritable cycle de réflexion, à la fois psychologique et dans la psychologie la plus profonde, de déboucher sur la spiritualité, et en même temps, finalement, un ouvrage de réflexion théologique. Mais l'œuvre de Frank Herbert n'était pas terminée, et c'est son fils, en fin de compte, aidé par Kevin Anderson, qui essaie d'amener une sorte de fin dont nous attendons la fin elle-même, si je peux me servir de ces mots, et qui essaie de nous expliquer ce qu'est l'ennemi d'ailleurs, que l'on avait vu surgir à la fin du cycle, cet ennemi d'ailleurs qui nous renvoie éventuellement à un certain nombre de thèmes de la religion manichéenne, de la même manière que l'empereur morcelé de Dune était l'équivalent de ce que, chez le prophète Mani, on appelait le Christus Patiens. Pour notre communauté, la mémoire seconde est l'un des plus grands bienfaits et l'un des plus grands mystères. C'est à peine si nous comprenons les ombres du processus par lequel des vies entières sont transformées d'une mère révérende à l'autre. Les livres aujourd'hui. Prières théologiques de Romano Guardini aux éditions Ad Solem. Les profondeurs oubliées du christianisme de Jean-Yves Leloup chez L'Aurélie. Un collectif, Le mystère apocryphe de Jean-Daniel Coestli et Daniel Margerat aux éditions Labor et Fides. Et Les chasseurs de dunes de Brian Herbert et Kevin Anderson chez Robert Laffont. C'était Les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de René Girard et de Benoît Chantre. Texte lu par Anne Dupuis, mixage Michel Mestre, réalisation Isabelle Huel. Retrouvons dans quelques instants Hélène.